Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, certes Allah t'a élue et purifiée, et il t'a élue au-dessus des femmes des mondes.